chacune de mes paroles glisse. Tu ne penses qu'à ton cannabis, mais moi pour toujours je chanterai I love you. Pour toujours, je crierai I love.